Donc Alain est professeur de sociologie politique ici à Paris 10. Et pour présenter très brièvement ses travaux, mais vraiment très très brièvement, j'ai certainement pas l'idée d'en faire le tour. Donc ses travaux tournent autour d'un fil conducteur qui est celui d'une critique radicale de l'économie contemporaine et de l'utilitarisme dans les sciences sociales. Et cela depuis le livre manifeste Critique de la raison utilitaire de 1989, en fait, jusqu'au dernier texte publié. Donc l'enjeu de son travail réside dans la mise en œuvre d'une alternative, disons, au paradigme utilitariste qui domine dans les sciences sociales et dans la philosophie, et cela sur la longue durée. Hein. Une série de travaux d'Alain sont remontés jusqu'à l'Antiquité pour examiner finalement le fonctionnement de ce paradigme utilitariste dans les écrits des philosophes de l'Antiquité. Et il me semble, je ne vais pas me tromper en disant que la critique qu'il fait du paradigme utilitariste, elle est fondamentalement de type anthropologique. Elle est de type anthropologique, et parce qu'elle est anthropologique, en fait, elle s'étend à tous les savoirs, hein, depuis la psychologie freudienne, fondée sur le principe de plaisir, jusqu'à la microéconomie, en passant par la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, lorsqu'elle place au fondement de l'action sociale les seuls motifs intéressés, encastrés dans une rationalité de type maximisateur. Alors par définition, son approche, puisqu'elle part d'une thèse anthropologique très générale, donc c'est une approche pluridisciplinaire hein, qui mêle des analyses de sociologie, des analyses d'histoire, d'anthropologie, de philosophie, d'économie, et l'enjeu en est non pas de nier évidemment que le poids des motifs intéressés soit important dans le cadre de l'action humaine en général, mais surtout de critiquer l'aspect réductionniste finalement d'un programme de sciences sociales qui ne choisirait que cette motivation absolument dominante finalement dans l'explication finalement de l'action humaine. Donc il faut faire une place en fait au motif de l'intérêt, mais ne pas en fait aller au-delà de ce qui serait sa place effective et ne pas en faire une sorte de paradigme dominant qui voudrait ou qui tenterait finalement de s'approprier l'ensemble des conduites sociales pour les expliquer à l'aide de ce seul motif. D'où l'idée qu'on doit faire sa place, et une place extrêmement importante évidemment aux questions qui tournent autour des pratiques sociales qui critiquent ce paradigme, que ce soit le don d'un côté, que ce soit les mécanismes de reconnaissance de l'autre. Et donc à partir de là, Alain a produit toute une série d'études anthropologiques et sociologiques autour de la théorie du don, de la reconnaissance, de l'identité et bien d'autres choses encore. Alors on peut dire aussi que c'est dans ce cadre qu'il a participé à la redécouverte de Marcel Mauss, hein, dont l'analyse avait été peut-être un peu délaissée au profit de celle de Durkheim, qui a été beaucoup mis en avant par rapport à Mauss, et c'est dans ce cadre qu'il a fondé et qu'il continue de diriger la revue du Mauss. Alors, rapidement, quelques titres. Hein. La bibliographie est longue, alors je me contenterai seulement de quelques titres. Donc, je renvoie surtout aux derniers ouvrages publiés, donc « La quête de reconnaissance, nouveau phénomène social », donc paru à la découverte en 2007. « Individualisme ou parcellitarisme, donc quelques incertitudes », revue du Mauss permanente, 28 février 2008. « Identité de l'individu contemporain », paru aux éditions La Discorde en 2008. Et « Théorie anti-utilitariste de l'action, fragment d'une sociologie générale » qui est paru à la découverte en 2009. Et donc le titre de sa conférence aujourd'hui s'intitule « Capitalisme, parcellitarisme et démocratie ». Et donc je lui laisse la parole, donc à peu près pendant trois quarts d'heure, une heure, selon comme il veut, et puis on consacrera tout le reste du temps à la discussion. Alain, la parole est à toi. Bien, écoute, merci. Pardon. Merci de cette présentation sympathique. Et puis merci de m'inviter dans le cadre de ces séances à présenter mes hypothèses qui me tiennent à cœur. Je voudrais bien approfondir, ça sera une occasion d'amorcer la discussion avec vous, sur ce que j'appelle le parcellitarisme. Je dis les choses en un mot pour commencer. Mon hypothèse, c'est que depuis, je ne sais pas très bien combien de temps, 20-25 ans, la forme sociale dominante que revêtent nos sociétés, qui est peu visible pour des raisons qu'on pourra expliquer, est une forme assez paradoxale que j'ai appelée une forme parcellitaire, qui répond à un parcellitarisme. J'ai employé ce mot pour faire le pendant avec le totalitarisme qui a occupé une partie du XXe siècle. Donc, le parcellitarisme, d'un mot, c'est à la fois le contraire du totalitarisme et c'est sa continuation. À la fois le contraire et sa continuation. Alors, ce mot de parcellitarisme n'est pas très heureux parce que les gens ont beaucoup de mal à le prononcer. Il faut un certain entraînement. Donc je pense que je vais changer et je vais parler plutôt de totalitarisme à l'envers. Non, à l'envers. J'ai des gros débats métaphysiques là-dessus. Je pense qu'à l'envers, c'est mieux qu'inversé. Voilà. Et Donc je voudrais bien approfondir ce thème, il me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai forcé un éditeur à me passer commande d'un livre sur le thème pour me forcer à l'écrire. Et donc je vais essayer d'y travailler dans les mois qui viennent, mais parce que cette hypothèse reste assez largement à l'état d'intuition, et je voudrais bien donner un petit peu plus de substance à ces intuitions. Donc je suis très content que vous m'ayez invité à cette séance. Alors, Christian a voulu que je prenne un titre qui s'inscrive dans le cadre de la série générale « Épistémologie du capitalisme ». Donc j'ai mis « capitalisme » dans le titre pour lui faire plaisir. Et du coup, ma conférence s'appelle « Capitalisme, parcellitarisme et démocratie ». Capitalisme, parcellitarisme et démocratie, ça fait écho au célèbre livre de l'économiste, sociologue, philosophe à sa manière, Joseph Schumpeter, qui s'appelait « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Capitalisme, socialisme et démocratie. Ben, il reste capitalisme, si on essaie d'actualiser, il reste capitalisme et démocratie. Question, qu'est-ce qui ferait le pendant? Quel serait l'équivalent aujourd'hui du socialisme? Est-ce que c'est une hypothèse encore plausible? Et puis, où se situe dans ce débat la question du totalitarisme, par rapport à laquelle je voudrais bien introduire ma discussion sur ce que j'appelle le parcellitarisme? Donc, voilà plusieurs questions assez complexes, et du coup je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je voudrais présenter là encore quelques hypothèses sur l'état actuel de la démocratie, puisqu'au fond la question sous-jacente à mon exposé, c'est: est-ce que nous sommes toujours en démocratie? Est-ce que la démocratie est pérenne, ou est-ce que nous ne sommes pas en train de basculer dans d'autres formes de régime social, symbolique et politique? Donc premier temps de ma discussion, où en sommes-nous de la démocratie? Où en serons-nous? Quel est l'avenir prévisible de la démocratie au XXIe siècle? Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer que pour bien poser la question, il faut revenir sur cette hypothèse du parcellitarisme que je présenterai plus en détail. Curieusement, pour amorcer la discussion sur l'état actuel de la dynamique démocratique, j'ai envie de commencer par un petit retour à la fin du XVIIIe siècle, et notamment à un texte peu connu de Thomas Paine. Thomas Paine est, à la fin du XVIIIe, ce qu'on appelle un publiciste. Il écrit d'abord, c'est un anglais, une grande défense de la Révolution américaine, 1776, et puis après, il écrit contre Edmund Burke la principale défense de la Révolution française et des droits de l'homme. On peut considérer qu'il est le théoricien par excellence des droits de l'homme, même si ce n'est pas un grand philosophe, mais c'est une plume alerte. C'est le best-seller de l'époque, ses livres se vendent à des dizaines de milliers, voire je crois 100 ou 200 000 exemplaires, ce qui est colossal pour l'époque. Le texte qui m'intéresse là est un petit texte peu connu de 1797, qu'il dédie à la Convention française, puisque Paine a été fait citoyen d'honneur de la Révolution française. Et dans ce texte, Paine pose la question suivante, dans une logique très lockéenne. Comment faire en sorte que la majorité des êtres humains, se demande Paine, préfère l'état de société ou l'état de civilisation, il utilise les deux mots, comment pourrait-il préférer l'état de société ou de civilisation à l'état de nature? Voilà. Et ajoute-t-il, dans l'état actuel des sociétés européennes, un état dans lequel règne la misère, l'abjection de la misère, là, il est normal que la grande majorité des êtres humains doivent préférer l'état de nature, autrement dit la guerre de tous contre tous, à l'état de société ou l'état de civilisation. Qu'est-ce qui pourrait les faire changer d'avis? Ben, il me semble que cette question reste extraordinairement d'actualité à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui nous permet d'espérer que nous puissions surmonter dans les années ou les décennies à venir la guerre de tous contre tous à l'échelle planétaire? Qu'est-ce qui nous permettrait d'espérer que la majorité, la quasi-totalité des êtres humains préfèrent l'état de société, l'état de civilisation, ce qui pour nous veut dire l'état de la démocratie, à l'état de guerre générale? Très très vaste question qui renvoie au problème de savoir quels sont les grands défis du XXIe siècle. Ben, évidemment, ils sont multiples, de tous ordres, mais il me semble, c'est mon hypothèse, pour aller à l'essentiel, que le défi principal est un défi d'une certaine manière d'ordre philosophique. Le défi qui nous affronte, c'est celui de trouver d'autres fondements à la démocratie que les fondements sur lesquels s'est bâtie la démocratie moderne, la démocratie des modernes. Et ces fondements, pour le dire en un mot et faire écho à ce que disait Christian de mes travaux, il me semble que les fondements des conceptions modernes de la démocratie sont des fondements de type utilitariste. Les fondements de type utilitariste, autrement dit, qui reposent sur l'idée que les individus mutuellement indifférents ne cherchent que leur propre avantage individuel, et que dans cette perspective-là, la démocratie est le résultat d'une association de sujets mutuellement individuels, mutuellement indifférents, qui ne cherchent qu'à maximiser leur intérêt propre, leur avantage propre. Et c'est pour cela que le seul critère de la démocratie, c'est, pour le dire à la manière de Bentham, le plus grand bonheur du plus grand nombre de ces individus calculateurs, mutuellement indifférents et associés, uniquement parce qu'ils cherchent à maximiser leur avantage individuel. Cette conception utilitariste de la démocratie, au fond, la démocratie n'est pas une fin en elle-même. Dans cette vision-là, elle est utile parce qu'elle permet la satisfaction des intérêts des individus séparés. Cette perspective a eu sa grandeur, moi je ne la jette pas du tout aux oubliettes. Elle a eu de grands mérites, mais il me semble qu'elle va se révéler insuffisante pour penser la démocratie possible du XXIe siècle. Cette conception souffre de trois limitations principales. Premièrement, elle a été liée à un très très fort occidentalocentrisme. Elle repose sur l'idée d'une dissymétrie profonde entre l'Occident et le reste du monde. Dissymétrie profonde qui concerne aussi bien, pour le dire dans les termes de Nancy Fraser, les questions de redistribution que les questions de reconnaissance. Dissymétrie de redistribution, l'Occident a fonctionné en pompant, en aspirant une partie des ressources économiques de la planète, ça c'est les théories de l'impérialisme. Et puis, deuxième dissymétrie, les dissymétries de reconnaissance. L'Occident s'est posé depuis deux ou trois siècles comme ayant une supériorité civilisationnelle évidente sur toutes les autres cultures. Or, cette dissymétrie ne va pas pouvoir durer éternellement à l'échelle moderne. On ne peut pas fonder une démocratie planétaire, plus exactement une planétarisation de la démocratie, sur cette double dissymétrie, à la fois économique d'une part, et dissymétrie de reconnaissance d'autre part. Première limite des conceptions utilitaristes occidentales de la démocratie. Deuxième limite de ces conceptions, qui va peut-être nous rapprocher davantage du cœur du sujet. Il me semble que ce qui a permis à l'Occident, à l'Europe occidentale, aux États-Unis, de surmonter les épreuves totalitaires de la première partie du XXe siècle et de basculer dans une acceptation résolue de l'ordre démocratique, ça a quand même été fondamentalement la croissance économique, une forte croissance économique, notamment la forte croissance économique des Trente Glorieuses de l'après-guerre, avec des 4-5% annuels de croissance. Dans ce cadre-là, chaque membre de la société pouvait espérer que ses enfants aient une meilleure condition sociale que leurs parents. Chacun pouvait espérer voir sa situation matérielle s'améliorer, et puis chacun pouvait espérer monter dans l'échelle sociale indéfiniment. Question, qu'est-ce qui va se passer si, comme il est très vraisemblable, la croissance va devenir très largement atone, comme au Japon depuis 20 ans déjà, en Europe occidentale et aux États-Unis, s'il n'y a plus de croissance, sachant qu'une bonne partie d'ailleurs de la croissance des 15-20 dernières années aux États-Unis est une croissance totalement fictive, une croissance de la bulle financière, pas une croissance réelle. Bien, la réalité commence à exploser. Comment être sûr que les membres de nos sociétés préféreront l'état démocratique, l'état de civilisation, à l'état de nature, s'il n'y a plus d'espérance de la croissance? Deuxième grand défi. Troisième défi, la croissance, elle existe ailleurs qu'en Occident, elle existera ailleurs qu'en Occident, dans les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Elle est pour l'instant extraordinairement forte, surtout en Chine. Mais premièrement, on voit bien que cette forte croissance, non seulement n'induit pas nécessairement une démocratisation de la société, mais que même à l'inverse, elle est parfois rendue possible par l'absence de démocratie de la société, comme c'est le cas en Chine. Donc ça ne produit pas nécessairement un état de civilisation. Et puis, deuxième problème, tout le monde sait bien qu'il y a, à cette très très forte croissance, des limites écologiques, environnementales, qui vont devenir de plus en plus insurmontables. Est-ce que c'est à charge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on peut en débattre, mais en tout cas, il est évident que la croissance ne pourra pas se poursuivre, on ne peut pas généraliser le mode de vie occidental à l'ensemble de la planète, tout le monde le sait. Eh bien, tout ceci nous mène donc à une conclusion simple, c'est que le problème fondamental que nous aurons, surtout vous qui êtes plus jeunes, à affronter au cours du XXIe siècle, c'est celui de savoir comment fonder un ordre social démocratique, même s'il n'y a pas de croissance. Je laisse de côté la question de savoir si la croissance est désirable, pas désirable, etc. Mais si elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut espérer surmonter le conflit social qui, au fond, se régler lui-même avec une espèce de bouc émissaire, on pourrait appeler un bouc émissaire positif, en quelque sorte, hein, le débouché de la croissance. On reporte le conflit sur quelque chose d'externe, la croissance. Il me semble que pour poser cette question-là, affronter ce grand défi théorique, nous allons avoir besoin d'une forme d'idéologie politique, au sens très large du terme, qui prenne le relais des grandes idéologies politiques du XIXe et du XXe siècle, le relais du libéralisme, du socialisme, du communisme. Cette idéologie, on pourrait mettre une étiquette dessus, même si elle ne me plaît pas beaucoup, mais j'en vois pas d'autres. Je pense qu'on pourrait l'appeler le convivialisme. Le convivialisme, autrement dit, la doctrine qui pose la question de savoir comment on peut vivre ensemble sans se massacrer, même s'il n'y a pas de croissance, et au-delà des grandes institutions de la modernité. Ce mot convivialisme renvoie en partie à Ivan Illich, qui a montré, suggéré il y a 25 ans, de façon quand même intéressante, comment une partie des grandes institutions de la modernité démocratique, l'école, l'hôpital, la justice, était devenue contre-productive. C'est-à-dire que sous prétexte d'éduquer plus, on éduquait moins, sous le prétexte de soigner plus, on soignait moins, etc. On a discuté différentes choses, mais l'idée est là, il y a un seuil au-delà duquel les grandes institutions modernes ne remplissent plus leurs fonctions, au-delà duquel la démocratie s'épuise, un seuil au-delà duquel la croissance s'épuise, s'exténue. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On pourrait aussi bien appeler ce que je viens de désigner sous le nom de convivialisme, on pourrait entendre par là, il m'est arrivé de le faire, dans un article récent de la revue Cité, on pourrait parler d'un socialisme universalisé pour dépasser l'occidentalocentrisme, et d'un socialisme radicalisé. Radicalisé, ben, voilà qui va nous mettre au cœur du sujet. Radicalisé, pourquoi radicalisé? Pour retrouver l'inspiration égalitaire, je ne veux pas dire égalitaire, mais l'inspiration égalitaire de la gauche traditionnelle ou du socialisme traditionnel. Parce que il me semble que la seule hypothèse raisonnable à envisager, si on veut donner substance à ce convivialisme, autrement dit, si on veut régler cette question de la coexistence des hommes entre eux en absence de la croissance, la seule réponse raisonnable, c'est celle qui envisage une limitation à l'explosion des inégalités qui touchent le monde depuis une trentaine d'années. Traduction, la seule réponse raisonnable, c'est celle qui accepte de regarder en face la nécessaire auto-limitation du désir de puissance et de richesse de l'humanité. Comment assurer cette auto-limitation? Comment la rendre acceptable? Bien, il me semble que concrètement, ça passe par l'adoption de deux mesures symboliques symétriques. Il me semble que la condition, et là je rejoins Thomas Mann, la condition pour que les hommes préfèrent l'état de société à l'état de nature, c'est premièrement de poser qu'aucun être humain ne doit pouvoir vivre en dessous d'un certain niveau de ressources minimales. Première hypothèse, un revenu minimal garanti inconditionnellement. Et deuxième hypothèse symétrique, aucun être humain n'est habilité à un enrichissement indéfini, un enrichissement infini. Donc deuxième traduction concrète du principe du convivialisme, le principe d'un revenu maximal. Personne ne doit pouvoir dépasser un revenu maximal. Un revenu qui peut être très élevé, ça on peut en discuter démocratiquement, mais il me semble qu'il est fondamental de fixer ces deux limites. Personne ne doit tomber dans la misère d'une part, dans l'abjection de la misère d'une part, et personne n'est autorisé à une richesse infinie, d'autre part. Question, est-ce que les dynamiques démocratiques à l'œuvre en Occident ou dans le monde seront suffisamment puissantes pour imposer l'adoption de ces deux principes qui me paraissent des principes nécessaires et de bon sens? Eh bien, ce n'est pas du tout évident. Pour en discuter, il faudrait discuter un peu en détail de l'état, justement, des dynamiques démocratiques. Est-ce que cette dynamique démocratique est à l'œuvre en Europe occidentale depuis le XIIe siècle, très largement, avec le mouvement des communes, qui a constitué le fait historique par excellence de toute l'histoire mondiale des deux derniers siècles? Est-ce que cette dynamique démocratique est encore vivante, encore vivace? Ou est-ce qu'elle ne fait que se survivre, s'essouffler? On pourrait, il faudrait discuter sur ce point en détail des quatre grands types de réponses à la question que je pose là. Où en est la démocratie? A-t-elle encore un avenir? Ou n'est-elle pas en train de s'essouffler? Il me semble que là-dessus, on peut distinguer quatre grands types de réponses. Je ne mets que des étiquettes là, sur des débats possibles. Première réponse, que j'appelle les réponses optimistes, qui restent en quelque sorte les réponses dominantes, les réponses quasiment officielles. Si on mettait un nom emblématique, ça serait Fukuyama. L'histoire est terminée, il n'y a rien d'autre à inventer que le couplage de la démocratie parlementaire et du marché capitaliste, et cette démocratie parlementaire est en train de gagner dans le monde entier, avec des soubresauts, des avancées, des reculs, mais fondamentalement, le principe démocratique va triompher partout à terme. Si on détaillait un petit peu... Je crois qu'on verrait des choses bizarres. C'est que il me semble que tout le monde croit à cette idée et que personne n'y croit. Enfin bon, ça mériterait une longue discussion. Mais ça reste en tout cas la doctrine quasiment obligée de manière majoritaire. L'optimisme démocratique, la démocratie progresse. À l'opposé de cette vision, on pourrait distinguer ce que j'appellerais des visions nihilistes de la démocratie, soit de droite, d'extrême droite, soit de gauche ou d'extrême gauche, qui dirait « la démocratie n'a jamais existé, ça a toujours été une illusion, il y a toujours eu des dominants et des dominés, des puissants et des impuissants. Variante de droite, elle n'a aucune chance de jamais advenir. Variante d'extrême gauche, elle adviendra un jour de communisme réalisé. Mais pour l'instant, il n'y a pas de démocratie. Et toute l'histoire de la démocratie européenne est une histoire en trompe-l'œil, ça a été des fausses démocraties. » Troisième type de réponse, les réponses que j'appelle pessimistes, dont il me semble que le représentant le plus notoire actuellement en France, c'est Marcel Gauchet. Réponses pessimistes qui reconnaissent que la démocratie a été le principe fondamental de la modernité occidentale et mondiale, qu'elle a été effective, qu'elle a eu une certaine effectivité. Mais, dirait Gaucher, je reprends ses formulations, elle est en train de se retourner contre elle-même. La démocratie se retourne contre elle-même. On se dit, c'est un peu compliqué chez Gaucher, elle se retourne contre elle-même, mais enfin, à terme, c'est quand même elle qui va triompher. Donc on rejoint la version optimiste. Quatrième type de réponse, que j'appelle les réponses hybrides, dont il me semble qu'en France, le représentant le plus important est Pierre Rosanvallon. Oui, la démocratie dépérit sous certains aspects, notamment sous ses formes officielles, la démocratie parlementaire, la démocratie des partis. Il y a croissance de l'abstention, des intérêts croissants pour la vie politique officielle, mais symétriquement, on voit la multiplication de formes d'intervention démocratique, soit participative, soit de contestation, d'opinion, etc. Donc ce que l'on perd d'un côté en démocratie, on le gagne de l'autre. Cela étant, dans ce match bizarre entre Gaucher et Rosanvallon, les frères ennemis, dans ce match bizarre, autant Gaucher est pessimiste à certains égards pour le présent et optimiste à terme, autant Rosanvallon est apparemment optimiste, en fait, si on lit bien, assez pessimiste à terme, puisqu'il dénonce ce qu'il appelle la montée de l'impolitique, qui sape en fait à la racine toute évolution démocratique véritable. Je n'entre pas dans le détail d'aucune de ces quatre théories, c'est juste pour camper un petit peu le paysage et ajouter ce qui va me servir de transition. qui me semble que ce que ces quatre types de pensée de la démocratie actuelle manquent, c'est une réflexion suffisamment poussée sur les raisons pour lesquelles les démocraties occidentales ont basculé dans les totalitarismes au XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé avec le totalitarisme? Il me semble qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas de réponse suffisamment solide à cette question-là, nous ne pourrons pas véritablement avancer dans la réflexion sur les fondements de la démocratie actuelle ou de la démocratie du XXIe siècle. Alors j'exagère un petit peu, puisque Gaucher vient de sortir un livre justement sur la question du totalitarisme, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je fais comme si pour l'instant il n'avait rien fait. Et donc, question centrale à mon avis, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle avec l'expérience totalitaire? Pourquoi les hommes ont-ils basculé dans la folie? Est-ce que c'était de la folie? Version Furet, le passé d'une illusion. Il y a eu une illusion, l'illusion est dissipée, maintenant l'histoire va redevenir rationnelle, la démocratie va continuer à avancer toute seule, naturellement, sans problème. Est-ce que ce que le XXe siècle a connu, l'horreur totalitaire, le massacre totalitaire, est-ce que ce n'est pas susceptible de réapparaître? Là encore, on peut distinguer plusieurs réponses possibles. Réapparaître comment? Est-ce qu'il pourrait y avoir un retour du fait totalitaire? Plusieurs réponses possibles. Oui, il pourrait y avoir un retour, par exemple, sous la forme des intégrismes religieux, par exemple, sous la forme d'Al-Qaïda. Question intéressante. Est-ce que l'islamisme radical est une forme de totalitarisme? Personnellement, je pense que oui. Je pense que c'est la même logique. On peut en discuter. Deuxième réponse, oui, il pourrait y avoir un retour des pulsions totalitaires sous les mêmes formes qu'au XXe siècle, sous la forme du même. Et je dois dire que je n'y croyais pas beaucoup jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, je n'étais pas spécialement inquiet ni des figures de Le Pen, ni des figures de Haider, etc., en Autriche, mais je commence à me dire, notamment ce qu'on voit aux États-Unis, avec l'explosion des Tea Parties, etc., qu'après tout, un retour du même, fondamentalement, évidemment sous des formes un petit peu actualisées, somme toute n'est pas à exclure. Ce retour d'une haine viscérale et meurtrière ne me paraît pas impossible. Troisième forme de retour possible du totalitarisme, le retour inversé sous la forme d'un totalitarisme du marché. Et on voit bien comment ce totalitarisme-là se répand. De même que dans les régimes totalitaires d'hier, toute la société était résorbée dans l'État et dans l'idéologie d'État. De même aujourd'hui, on pourrait dire que tout se résorbe dans le marché et dans l'idéologie du marché. Et puis, on pourrait avoir une conjonction de ces trois formes de retour de la pulsion totalitaire. Et il me semble que le double mandat de Bush aux États-Unis représentait très bien l'articulation de ces trois formes. Un intégrisme religieux, très, très particulier d'une part, un intégrisme de l'économie d'autre part, et puis des formes fascistes, fascistoïdes, classiques, en troisième lieu, dans des combinaisons variées. Mais malgré tout, mon inquiétude principale, pour ma part, et c'est l'hypothèse que je voudrais maintenant aborder dans le deuxième point de mon exposé, porte plutôt sur les risques de voir triompher une nouvelle forme sociale difficilement identifiable, difficilement visible, que j'appelle une forme parcellitaire, une forme de totalitarisme inversé. Essayons d'y voir un petit peu plus près, une forme donc de totalitarisme à l'envers. Sur lequel j'ai dit les deux choses à la fois, inversé et à l'envers. Je présente les choses de manière très, très schématique, avec des étiquettes pour éventuellement alimenter la discussion. Je m'aperçois que je n'ai pas détaillé un point tout à l'heure, lorsque j'ai dit que nous allions avoir besoin d'inventer une nouvelle forme d'idéologie politique qui allait prendre le relais du libéralisme, du socialisme, du communisme. Le relais, ça ne veut pas dire les supprimer, s'en débarrasser, mais mais en hériter et les mettre dans un autre espace discursif. Je n'ai pas dit que, effectivement, le point commun à ces trois doctrines était justement le soubassement utilitariste dont j'ai parlé. Le soubassement utilitariste économiciste. La condition de fonctionnement du libéralisme classique, c'était le marché, le développement du marché. Socialisme et communisme misaient eux aussi sur l'accroissement indéfini de la prospérité matérielle. La question au contraire du convivialisme, je rappelle, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de croissance ? Il n'y a plus de croissance si on bascule dans un état stationnaire, par exemple. Il me semble que c'est également par rapport à cette question des soubassements utilitaristes des pensées modernes de la démocratie qu'il faut situer les phénomènes totalitaires. Dans le cadre des démocraties bourgeoises, était réalisé un certain équilibre, vaille que vaille, entre la logique des intérêts des individus d'une part, des intérêts individuels d'une part, et la logique de l'intérêt collectif d'autre part. Chacun de ces pôles se contenant l'autre et le contrebalançant. Ce qui, au contraire, a marqué les phénomènes totalitaires d'hier, c'est la négation de la légitimité des intérêts individuels. Tout devait être sacrifié aux intérêts du collectif, aux intérêts de l'État dans le cadre du fascisme, aux intérêts de la race dans le cadre du nazisme, aux intérêts du parti, du prolétariat dans le cadre du communisme. Seul comptait le pôle de l'intérêt collectif, le désir de faire corps à nouveau. Eh bien, il me semble que nous vivons actuellement dans un mouvement de balancier symétrique au mouvement totalitaire d'hier, ce mouvement totalitaire d'hier qui exacerbait le pôle de l'intérêt collectif dans la négation active de la légitimité des intérêts individuels. Il me semble que nous vivons actuellement l'opposé. C'est tout ce qui est de l'ordre du commun ou des collectifs qui est réputé obscène et illégitime, exactement comme hier dans le cas des totalitarismes, c'était l'intérêt individuel qui était réputé obscène et illégitime à supprimer. De même que les totalitarismes d'hier voulaient à tout prix faire du collectif, faire transformer la société en un grand corps homogène, pour le dire dans le langage en partie de Paul Lefort, de même, le mouvement parcellitaire d'aujourd'hui, le mouvement du totalitarisme à l'envers, tend à tout réduire, collectifs sociaux, idées, savoirs, institutions, et même les individus eux-mêmes en parcelles de plus en plus fines et de plus en plus browniennes, décomposables ou réassemblables à volonté. Voilà mon hypothèse très, très, très schématiquement résumée. Quel rapport entre cet état-là, que j'essaie de cerner sous le nom de totalitarisme inversé, et les totalitarismes d'hier ? Il me semble que ce totalitarisme à l'envers est à la fois radicalement opposé au totalitarisme d'hier, mais il est tellement opposé, tellement radicalement opposé, qu'il en reprend tout un ensemble de caractéristiques. Plus précisément, je distingue de manière idéale typique trois inversions radicales entre le parcellitarisme et le totalitarisme d'hier, trois inversions radicales et cinq continuités. Première grande inversion. Comme le montrait Hannah Arendt, pour un parti Claude Lefort, une des caractéristiques fondamentales des régimes totalitaires, communisme, nazisme, fascisme, régime chinois, maoïsme, etc., etc., c'est de s'organiser sous l'égide d'un grand savoir en surplomb. L'égide d'un grand savoir. Toute la société s'organise à partir d'un grand savoir dont le chef suprême, le leader suprême, est le détenteur. Incarnation par excellence du roi philosophe, et paroxysique du roi philosophe de Platon, conjoignant le pouvoir absolu et le savoir absolu. Nos sociétés contemporaines ne fonctionnent pas du tout sous l'image d'un grand savoir, elles fonctionnent au contraire dans l'idéal, on pourrait dire, d'un refus du grand savoir, et même dans l'idéal d'un mépris, non seulement du grand savoir, mais du savoir tout court. Alors, c'est très frappant lorsqu'on voit certaines figures politiques contemporaines, les plus caricaturales étant Bush, justement, George Bush, se faisant fierté d'être très mauvais scolairement, de ne pas lire. C'est évidemment aussi très saillant chez Berlusconi, hein, qui pousse de manière caricaturale cette image, mais même Sarkozy, avant sa rencontre avec Carla, se faisait gloire de ne pas être un intellectuel, de ne pas lire, surtout pas la princesse de Clèves, évidemment, etc., etc. Donc là, ce qui fait la légitimité, en quelque sorte, des personnages politiques contemporains, c'est leur rejet de l'idée même du savoir, d'un savoir un peu général. Et puis, on pourrait généraliser cette analyse et montrer comment, dans le domaine académique, de la philosophie, des sciences sociales, un peu partout, ce qui triomphe, c'est la figure de l'expert parcellaire. L'expert parcellaire qui est le maître d'une petite parcelle de savoir, mais ces parcelles ne doivent surtout pas pouvoir s'agréger dans un savoir un petit peu général. Il n'y a plus de savoir général. Voilà quel est l'idéal du savoir contemporain. Il n'y a plus d'idéal du savoir général. Il n'y a que des savoirs parcellaires, quantifiables d'ailleurs, dans des évaluations fantasmatiques de la valeur du savoir parcellaire généralisé. Première grande différence majeure donc entre les régimes totalitaires d'hier et ce que j'appelle le régime parcellitaire. Deuxième grande différence évidente, c'est l'inversion des repères symboliques du temps et de l'espace. La temporalité totalitaire était une temporalité organisée par la flèche du temps. On allait d'un passé abject vers un avenir radieux. Dans cette flèche du temps, le présent n'avait aucune valeur. Le présent n'avait de sens que par rapport à l'avenir à construire, à édifier. Il me semble que nous avons basculé dans un tout autre régime temporel. À certains égards, il n'y a plus que du présent, il n'y a plus que de l'instantanéité. C'est à l'instant même que tout doit être décidé. Il n'y a que du perpétuel instant. Le passé n'est là que sur un mode folklorique et l'avenir n'est plus guère figurable véritablement. Sous réserve de petit correctif que je dirai tout à l'heure. Mais on le voit bien dans le fonctionnement quotidien, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, à l'université, chaque jour, à l'instant même, il faut rendre un rapport, prendre une décision à l'instant. Il n'y a pas de projection dans le moyen ou dans le long terme. De même, la perception de l'espace est radicalement inversée. L'espace totalitaire était un espace clos, délimité. À l'intérieur de l'espace fermé, devait régner la pureté, soit la pureté idéologique, soit la pureté raciale, soit la pureté sociale. À l'extérieur, il n'y avait que ténèbres et monde à conquérir. Ce qui semble s'imposer aujourd'hui, c'est un espace international, neutralisé, identique, partout à l'échelle de la planète. De même que règne un éternel présent, règne une universelle localisation, ce que l'anthropologue Marc Auger appelait les non-lieux, les non-lieux, les aéroports, les grands restaurants, tout ça c'est pareil d'un bout à l'autre de la planète. Et ça fait figure d'idéal, cet idéal d'universalité. Et puis troisième, grand renversement avec les régimes totalitaires d'hier, c'est le renversement principal, l'inversion principale, qu'on pourrait dire dans les termes de Claude Lefort. Pour Claude Lefort, grand analyse du totalitarisme avec Hannah Arendt, la matrice, en quelque sorte, des régimes totalitaires était le déni de ce qu'il appelait, dans les termes un peu lacaniens, le déni de la division originelle du social. Déni de la division originelle du social. Le social totalitaire doit se présenter comme un grand corps homogène, sans scission, sans division. Immédiatement représentable à lui-même, immédiatement adéquat à lui-même. Sans distance à lui-même et sans séparation interne. Toute division au sein du social totalitaire est réputée insupportable et doit être abolie, y compris physiquement, par le meurtre de ceux qui sèment la division. Il me semble que dans le régime symbolique contemporain, c'est l'injonction opposée qui triomphe, l'injonction qui nous dit qu'il n'y a que seule vaut la différence radicale, la division radicale de tout avec tous, avec tout et de tous avec tous. Chacun doit affirmer sa singularité absolue dans une universalisation de la légitimité de la division. Voilà pour les trois grandes inversions colossales que représente la société contemporaine par rapport au régime totalitaire d'hier. Pour autant, il me semble qu'on peut identifier cinq grandes continuités. La première continuité porte, c'est peut-être la plus problématique dans mon analyse, porte sur le déni du pouvoir. Le déni du pouvoir et d'une certaine façon le déni du politique. Alors, cette affirmation peut paraître un peu surprenante, elle renvoie très largement à la caractérisation du totalitarisme, notamment par Hannah Arendt. Ce que Hannah Arendt fait bien comprendre, c'est que le totalitarisme est une forme sociale, politique, radicalement différente des dictatures ou des tyrannies classiques. Et la différence porte précisément sur cette question du rapport au pouvoir. Dans le cadre d'une dictature, le dictateur règne, emprisonne contre ses opposants. Il impose son pouvoir à tous ses opposants possibles. Dans le cadre des régimes totalitaires, le leader totalitaire se considère comme étant identique à ceux qu'il représente, à ceux qu'il incarne, comme ne présentant aucune distance soit avec la race aryenne, soit avec le prolétariat, soit avec l'État mussolinien, etc. Et ceux qu'il réprime, ceux qu'il emprisonne, ceux qu'il torture, ceux qu'il massacre, ce ne sont pas ses opposants, à la différence des régimes totalitaires. C'est une catégorie sociale, arbitrairement, plus ou moins arbitrairement dénommée. On massacre, on emprisonne, on massacre des gens qui ne sont pas des dangers politiques pour le régime. Voilà l'énorme différence entre les régimes totalitaires et les dictatures. Et dans ce cadre symbolique, le chef totalitaire, enfin le dictateur, se présente comme n'ayant pas de pouvoir particulier, puisqu'il dit « moi je ne décide rien, je ne suis que l'interprète de ce que veut le prolétariat, de ce que veut l'État, etc. etc. » Il me semble que nous avons un certain équivalent de ce déni du pouvoir, de ce déni du conflit, de ce déni du politique, avec le régime contemporain de ce qu'on appelle la gouvernementalité. Ou la gouvernance, pardon. Enfin, on pourrait parler de gouvernementalité aussi. La gouvernance, et ce mot est extraordinairement révélateur. Plus personne, depuis 20 ou 30 ans, n'assume d'avoir un pouvoir, d'exercer un pouvoir. On pense que règne une forme de gouvernance. Gouvernance, autrement dit, des décisions qui ne sont prises par personne, supposées être prises par tout le monde, en général, par personne en particulier, dont on ne sait pas comment elles se forment, et qui, en tout cas, évite d'éviter l'idée qu'il puisse y avoir un conflit. Il n'y a pas de conflit. Toutes les décisions se prennent, en quelque sorte, naturellement. De même que les décisions du leader totalitaire étaient supposées naturelles. À un moment donné, voilà ce qu'il fallait faire. Donc première grande continuité, mais qui mériterait beaucoup plus d'élaboration, cette figure centrale du déni du pouvoir et du déni du politique. Enfin, il ne doit pas y avoir de conflit, et en théorie, personne n'impose sa volonté à personne. Deuxième continuité, qui va de pair avec la première, comme l'avait très bien montré Hannah Arendt dans les systèmes totalitaires, la caractéristique centrale des régimes totalitaires, c'est ce qu'elle appelle le mouvement permanent. Le mouvement permanent, le fait qu'aucune institution ne doit rester stable. Il doit s'inscrire dans la continuité. C'est le mouvement lui-même qui est à lui-même sa propre légitimation. La politique est légitime parce qu'elle bouge. Il me semble que là encore, c'est ce que nous vivons depuis 20 ou 30 ans, avec notamment une espèce de politique de révolution permanente, de révolution institutionnelle permanente. Simplement, c'est une politique un peu déconcertante, c'est la politique néolibérale de, ou néo-managériale de la révolution permanente, rien ne doit rester en place. C'est déconcertant puisque dans l'imaginaire de gauche classique, la révolution, l'idée de révolution est associée à la gauche. Or, ce que l'on découvre, c'est ce qu'avait bien dit Marx dans le manifeste du Parti communiste, c'est que le seul régime véritablement révolutionnaire, c'est le capitalisme néolibéraliste qui révolutionne tout en permanence. D'où d'ailleurs l'impossibilité, comme le dit Jean-Claude Michéa, de dépasser le capitalisme par sa gauche. À certains égards, il n'y a pas plus à gauche que le capitalisme, si on identifie gauche et révolution permanente. Toujours est-il que le mot d'ordre qui règne partout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les institutions, à l'université, dans les entreprises, c'est que tout doit changer et que tout changement est légitime du seul fait que c'est un changement. Donc, c'est pas la question de savoir si c'est mieux ou moins bien. Il faut que ça change. Voilà, voilà la deuxième injonction générale. Rien ne doit rester en l'état. C'est une idée qui s'est confondue avec l'idée de modernité aussi. Le modernisme se justifie lui-même seulement par... Oui, très, très largement. Très largement, mais il me semble que ça s'exacerbe, cette idée-là s'exacerbe, soit dans le cadre du totalitarisme, soit dans le cadre de ce que j'appelle le particularisme. Troisième continuité, avec les totalitarismes d'hier, ce qu'on pourrait appeler le prométhéisme. Les régimes totalitaires avaient comme but premier de fabriquer un homme nouveau, principalement par des mutations idéologiques. C'était le cas en Union soviétique, en Chine, à Cuba aussi, sous Che Guevara. Il fallait fabriquer un homme nouveau, régénéré, moralement régénéré. Éventuellement, dans le cas du nazisme, un homme nouveau grâce à des mutations biologiques, à l'expérimentation scientifique, une purification de la race. Eh bien, cet idéal-là, de la production de l'homme nouveau, il me semble qu'il est de plus en plus prégnant et de plus en plus universel. Je crois qu'on considère que très prochainement, 90% des organes du corps humain pourront être produits artificiellement, c'est une première chose, mais on voit se développer très très massivement tout un ensemble de discours post-humanistes, de plus en plus présents et pressants, post-humanistes qui mettent en lumière les limitations à la fois morales, biologiques et intellectuelles des êtres humains ordinaires pour plaider en faveur de couplages variés, homme-machine, homme-ordinateur, homme-nanoparticules, etc., etc. Donc ce prométhéisme que les totalitarismes d'hier n'invoquaient que de façon très largement verbale, idéologique, est en passe de pouvoir être réalisé réellement, pratiquement, par des mutations technoscientifiques. Quatrième grande caractéristique des régimes totalitaires d'hier, très, très bien mise en lumière par exemple dans le 1984 d'Orwell, universel, la création d'un ennemi imaginaire. Le juif, le coulac, le bourgeois, l'anti-État, etc. Un ennemi dangereux. Eh bien, on pourrait montrer comment nos sociétés contemporaines fonctionnent de plus en plus à la peur. Alors, tous les ennemis ne sont pas imaginaires, il y a aussi des ennemis réels, bien évidemment, mais il y a quand même une fabrication assez systématique de l'ennemi. On ne sait plus très bien s'il est intérieur, extérieur, on ne sait plus très bien où il est. Donc, avec la mise en place d'un régime de surveillance généralisée et une légitimation des régimes par rapport à cette menace terroriste permanente. Et puis enfin, cinquième grande caractéristique du monde totalitaire d'hier, toujours largement selon Hannah Arendt, ces régimes totalitaires créent par la propagande un monde fictif. Un monde fictif. En Union soviétique, la croissance était toujours plus forte, les victoires du Reich étaient toujours plus importantes, etc., etc. Création d'un monde fictif. Bien, là aussi, on pourrait trouver un équivalent, mais un équivalent complexe, parce que, bien évidemment, avec la généralisation des médias, de la télévision et puis maintenant l'Internet, on ne peut plus dire qu'on crée véritablement un monde fictif, puisqu'on ne sait plus s'il est fictif, puisque ce monde fictif devient très largement le monde réel, notre monde réel. C'est l'opposition même du réel et du fictif qui devient très problématique. dans la généralisation d'un monde virtuel qui abolit la pertinence même de la séparation entre réalité et fiction. Mais toujours est-il que ça crée un univers, bon, je ne dis pas qu'il est bien ou mal, mais un univers très particulier par rapport à ce qui a été l'existence ordinaire des hommes ordinaires jusqu'à il y a très, très peu de temps. Quelques mots de conclusion. Je posais la question en introduction de savoir si les forces démocratiques, la dynamique démocratique, seraient suffisamment puissantes pour se généraliser à l'échelle planétaire et construire un monde vivable dans lequel on ne s'entremassacre pas, même s'il n'y a plus de croissance systématique ou de fort taux de croissance. Ben, la réponse est évidemment un petit peu compliquée, mais elle est un petit peu incertaine. Elle est d'autant plus incertaine que régnerait, ou elle serait d'autant plus incertaine que régnerait ce régime parcellitaire de totalitarisme à l'envers que j'essaye de décrire. Parce que ce régime parcellitaire, s'il a une certaine réalité, ben, a pour résultat principal l'extraordinaire difficulté à faire du commun, et donc à faire du commun dans la lutte politique, dans la lutte éthique et politique. Puisque tout ce qui est réputé, tout ce qui est de l'ordre du commun, est réputé finalement sans intérêt. Sans intérêt, sans pertinence. Et je crois que on le voit bien dans tous les mouvements politiques, ou dans les grandes associations, ou à TAP par exemple, tout le monde se lamente sur le fait qu'il y a très peu de jeunes. Les jeunes s'engagent dans des associations très ponctuelles, sur des objets très particuliers, mais peu dans les grandes associations, dans les partis traditionnels, les grandes associations. Eh bien, je pense qu'une des raisons principales, c'est celle que j'essaye d'analyser, le fait que le pôle du commun est un pôle qui est désormais réputé très largement, presque illégitime et presque impensable. Et du coup, toutes nos aspirations éthico-politiques se heurtent à cette difficulté foncière à refabriquer du commun. Questions que je me pose et sur lesquelles je termine. Deux questions. La première renvoie à l'intitulé de ce séminaire, épistémologie du capitalisme. Finalement, je n'ai pas dit un mot du capitalisme, très très peu, même s'il était en permanence en arrière-plan. L'hypothèse que j'essaye d'étayer vient en complément et un petit peu en contradiction avec les dénonciations courantes du néolibéralisme. Toute la gauche de gauche, et pas seulement la gauche de gauche, dénonce la montée depuis une trentaine d'années du néolibéralisme, et bien sûr avec d'excellentes raisons que je partage très très très largement. Mais il me semble que la question qui reste pendante, c'est celle de savoir pourquoi ce néolibéralisme a triomphé. Alors on peut décrire très en détail et de façon utile à la fois les colloques de Davos, la société du Mont-Pèlerin, on peut décrire avec l'énorme talent de Naomi Klein la stratégie du choc qu'elle décrit de façon très convaincante dans son livre par lequel s'imposent les normes néolibérales à l'échelle planétaire. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait suffisant. Je pense que quelque chose s'est joué en amont des mutations économiques et financières, probablement une certaine perte de croyance progressive dans les vertus de la démocratie, peut-être une perte de croyance liée à l'essoufflement des taux de croissance d'ailleurs. Il me semble qu'il y a une mutation symbolico-politique qui s'est jouée en amont des mutations de l'économie. Et c'est celle-là que j'essaye de cerner avec l'hypothèse du parcellitarisme. Mais bon, l'articulation entre les deux reste à penser et à préciser. Et puis, tout dernier point. Il m'arrive, ce que je vous ai présenté très rapidement, je le présente un petit peu plus en détail dans un cours que je fais en Master 1 qui s'appelle le fait démocratique. Et je vois bien que les réactions des étudiants sont quand même très, très, très mitigées à cette présentation. Et pour des raisons qu'on comprend bien, c'est que cette hypothèse qui peut paraître assez noire, assez apocalyptique, il n'est pas nécessairement, peut sembler une hypothèse de vieux ronchon, le vieux Ronchon, qui dit « c'était mieux de mon temps, et le monde va à sa perte, etc. etc. » Or, ce n'est pas tout à fait ce que je pense. Et je pense que, bien sûr, les jeunes, et moi aussi, ont raison de se réjouir de tout un ensemble d'évolutions du monde contemporain. Personne n'est prêt à jeter Internet par-dessus bord, les ordinateurs et 36 000 choses qui apparaissent comme des progrès, qu'on le veuille ou non, de la société contemporaine. Et du coup, pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, il me semble qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le fait, première chose, que est en train de naître un type de société radicalement nouveau, qui par lui-même n'est ni bien ni mal, mais deuxièmement, que cette société radicalement nouvelle est en train, si mon hypothèse tient, de naître sous les auspices du parcellitarisme. Petite explication. Toujours de manière idéale typique. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a eu ou qu'il y aura eu trois grands types de sociétés dans l'histoire humaine. Je dirais que c'est un peu arbitraire, on pourrait en distinguer 10, 20, 30, 50, 70, mais restons-en à trois pour les besoins de la discussion présente. Premier grand type de société, ce que j'appelle la petite société. La petite société, celle que décrivent les ethnologues, la société de l'entre-soi. La société de l'entre-soi, la société de l'interconnaissance. Cette société est cimentée par le don, au sens de Marcel Mauss, par la triple obligation de donner, recevoir, rendre, et par les symboles, par le symbolisme. En principe, tout le monde peut connaître tout le monde. Voilà, la petite société de l'entre-soi, de l'interconnaissance. Deuxième grand type de société, ça couvre des millénaires, ce qu'on peut appeler la grande société. Dans la grande société, on appartient au même espace que des étrangers. La grande société, elle peut être cimentée par la grande religion, par exemple l'islam, milliards d'individus. On appartient à la même communauté avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne connaîtra jamais. Deuxième grande modalité de la grande société, la grande société démocratique, la nation. La nation, on fait du commun avec des étrangers absolus. On appartient au même espace politique. Ça, c'est la grande société. Cette grande société, c'est une forme générale que je décris. En elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut revêtir des formes théocratiques, des formes meurtrières, ou des formes démocratiques, pacifiques, etc. Une forme générale. Il me semble qu'est en train de naître ce qu'on pourrait appeler un troisième grand type de société, ce qu'on peut appeler la société monde. La société monde qui repose non pas sur le don, comme la première société, non pas sur la loi religieuse ou la loi politique, comme la deuxième, comme la grande société, mais qui repose sur la virtualité, qui repose dans l'infrastructure matérielle et Internet. Cette grande société monde, c'est une société virtuelle. On n'est plus dans le face-à-face, on n'est plus assujetti à la loi, on est dans le rapport virtuel qui peut se créer à tout moment, s'interrompre à tout moment. Là encore, cette grande société n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise. Cette très grande société n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise. Il se trouve que pour l'instant, elle est accouchée dans le cadre du néolibéralisme, versant économique, et dans le cadre de ce que j'appelle un totalitarisme à l'envers. Est-ce que nous saurons sortir, dépasser ce moment de la société monde? Je crois que c'est l'enjeu fondamental du XXIe siècle. Voilà les hypothèses que je voulais vous présenter. Bien, merci beaucoup Alain. Donc c'est vraiment une fresque assez vaste que tu as présentée, que tu as tracée, avec les éléments de continuité et d'inversion entre les types de sociétés en train de se produire sous nos yeux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions évidemment qui pourraient être posées dans tes analyses, et donc le débat est ouvert. La parole est à la salle. Donc, qui commence à poser la première question? Hormis les 5 premières minutes de déglaciation nécessaires pour poser sa question. Ah, tu vois ça comme une sauce, toi. Il faut déglacer. Brèvement, expliquer la différence entre votre hypothèse de parcellisation et l'hypothèse de Foucault, enfin de Cantriège, le système de pouvoir de la peste. Ben, c'est toute la discussion des thèses de Foucault. Je ne suis pas un fan de Foucault. J'ai un peu de mal à discuter. J'en ai une vision qui n'est pas la vision la plus courante. Je range personnellement Foucault parmi les auteurs nihilistes. Puisque pour Foucault, la question de la démocratie n'a strictement aucun sens. Donc elle n'est pas posée. Il n'y a que des formes de gouvernementalité. Et lorsqu'on demande à Foucault, lorsqu'on demandait si certains régimes étaient préférables à d'autres, par exemple celui de l'ayatollah Khomeini ou je ne sais pas quoi, sa réponse, c'est que la question n'a aucun sens. Donc toute la question normative chez Foucault, explicite, hein, est évacuée. Ça ne facilite pas beaucoup la discussion. Et par ailleurs, paradoxalement, je pense personnellement, un petit peu à la différence de mon ami Christian Laval, que Foucault est en fait un apologète de l'utilitarisme. C'est-à-dire que pour lui, la meilleure forme de gouvernementalité, et là on voit une normativité qui n'est pas dite, c'est l'utilitarisme, parce que c'est la forme de gouvernementalité la plus économique. Donc pour Foucault, les questions que je pose ne se posent pas. Comme il n'y a jamais eu de démocratie, il n'y a pas eu non plus de totalitarisme, il n'y a que des formes de gouvernementalité. Et il se trouve bizarrement que la meilleure forme de gouvernementalité, c'est en fait le libéralisme, l'utilitariste. D'autres questions ? J'ai trouvé votre hypothèse très intéressante, mais je voulais savoir, je crois qu'il manque un peu en référence à l'économie, parce que vous avez parlé de Marx, et je crois que tout ce que vous racontez, c'est étroitement un rapport très étroit avec l'économie capitaliste, les profits, la concurrence, tout ça, je crois que ça inhérent à les modèles capitalistes. Et dehors ces modèles, il n'y a aucune possibilité de changement, je crois. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, c'est la question que je n'ai pas traitée. Mais effectivement, c'est très bien de poser la question, d'en discuter. C'est la question des rapports entre capitalisme et démocratie. Capitalisme, démocratie et totalitarisme. On pourrait généraliser la question des rapports entre capitalisme, démocratie, totalitarisme et totalitarisme à l'envers. Alors, sur la question des rapports entre capitalisme et démocratie, je ne partage pas ce qui semble être votre vision, celle que le capitalisme est nécessairement contraire à la démocratie. Il me semble au contraire que dans le cadre des démocraties modernes, ces deux réalités ont été étroitement liées. C'est-à-dire que l'avènement du capitalisme et l'avènement de la démocratie moderne ont été de pair. Après, la question, c'est... ça a été ensemble, mais qu'est-ce qui a commandé quoi ? Qu'est-ce qui a été en premier ? Le capitalisme ou la démocratie ? Si on prend les visions de quelqu'un comme Jacques Attali, l'ancien conseiller de François Mitterrand, conseiller de Sarkozy, et écrivain universel qui sort un livre chaque mois. Et la vision dominante d'Attali, c'est celle qui consiste à dire... que la matrice de la démocratie, c'est le capitalisme. Et même plus précisément, c'est le capitalisme financier. Partout où on libère la finance, la démocratie prospère. Bon, ça, moi, je ne crois pas du tout à cette vision-là. Je crois que, historiquement, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu, en Europe, une dynamique démocratique dès le XIe siècle, avec l'apparition du mouvement communal, la libération des communes, que cette dynamique démocratique a créé des espaces de liberté par rapport au pouvoir ecclésiastique et politique et étatique, que dans ces espaces de liberté s'est développé le commerce et des formes de capitalisme. On pourrait discuter, si on détaillait, des rapports entre capitalisme et marché. Personnellement, je pense que c'est la même chose. Je ne crois pas aux distinctions habituelles entre capitalisme et marché. Donc historiquement, il y a eu un lien assez étroit entre capitalisme et démocratie. Mais c'est un lien qui est resté dans l'ordre de la démocratie, aussi longtemps que la dynamique démocratique, en quelque sorte, l'a emporté sur la dynamique proprement économique ou financière. Ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, c'est au contraire à la domination du capitalisme sur la démocratie, et plus précisément à une domination du capitalisme financier sur la démocratie, ou sur le capitalisme tout court, et même plus précisément encore à une domination du capitalisme spéculatif sur le capitalisme financier. Et c'est là où on change complètement de logique, et c'est dans ce cadre-là que se développe, et là je vous rejoins, je crois qu'on serait d'accord, c'est dans ce cadre-là que se développe ce que j'appelle le parcellitarisme, le totalitarisme à l'envers. Simplement, c'est ce que j'essayais de dire en conclusion, je crois qu'on se tromperait si on essayait de chercher la cause ultime, c'est-à-dire il n'y a jamais de cause ultime, dans le capitalisme lui-même. Il me semble que la cause plus profonde de ces évolutions est à chercher dans la logique du rapport social lui-même, dans la logique politique et symbolique, si vous voulez. Parce que sans ça, le risque contre lequel je me bats, le risque, c'est de retrouver, je dirais, une posture gauchiste classique. C'est quoi la posture gauchiste classique ? Celle qui consiste à dire ben, le capitalisme est aussi totalitaire que les régimes totalitaires d'hier, ce qui permet de se dispenser de toute autocritique véritable sur l'expérience stalinienne ou maoïste, etc., et de faire comme si on pouvait reprendre les choses, les débats, comme là où ils en étaient il y a 30 ou 40 ans. On critique le capitalisme et on dit, aussi longtemps qu'on n'aura pas aboli le capitalisme, on ne pourra rien faire, on ne sait pas ce qu'on met à la place, et on se dispense de réflexion sur les perversions des régimes communistes, voilà, fédéraux. Donc je pense au contraire qu'il faut affronter radicalement la question de savoir qu'est-ce qui s'est corrompu dans les régimes communistes, ce qui pose la question du marxisme. Et le problème du marxisme, c'est sa déficience à penser le politique et le conflit. C'est son économisme de base, son incapacité à penser le politique. Et je crois que c'est cette incapacité à penser le politique qui explique une partie des limitations des analyses gauchistes habituelles. Voilà, des éléments de réponse, c'est pas des réponses, c'est pour situer des positions par rapport aux vôtres. D'autres questions ? Au début, vous avez dit que comment être démocrate sans la croissance. Donc, vous avez dit aucun être humain ne doit pouvoir vivre en dessous d'un certain seuil. Mais vous êtes un penseur anti-utilitariste, donc il n'y a pas d'autre critère que justement l'économie pour penser comment la société doit satisfaire ses citoyens. Que le niveau de revenu, vous dites. Oui. Si, bien sûr que si. Vous avez raison. Comme le rappelait Christian Lazzeri, être anti-utilitariste, ça ne veut pas dire que l'utilité n'a pas d'importance ou que le niveau de revenu est sans importance, mais ça veut dire qu'on ne peut pas penser sa pertinence indépendamment de ce qui signifie par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le niveau de vie matériel, mais qui est aussi beaucoup plus fondamentalement, qui est aussi le niveau de reconnaissance. Niveau de reconnaissance qui est accordé aux êtres humains, respectivement les uns par rapport aux autres. Et une société radicalement inégalitaire est évidemment, matériellement, financièrement, est également une société qui produit des déficits de reconnaissance, des écarts de reconnaissance absolument vertigineux. Et pas tenable. Bon, moi, je profiterai de la question pour m'auto-attribuer la parole, parce que j'en ai une qui touche quasiment au sujet qui vient d'être posé, et une autre un peu plus générale. Donc, sur la première question, en effet, si on reprend tes deux éléments de limitation, à savoir la position d'un niveau de ressources minimal d'un côté et l'idée de l'absence d'enrichissement indéfini de l'autre, bon, immédiatement, évidemment, ça pose la question suivante. En fait, bon, ces deux thèses telles quelles, c'est ce qu'on pourrait retrouver, au fond, en certain sens, dans la théorie de la justice de Rawls, en fait, pour montrer que les deux principes de Rawls jouent effectivement plus ou moins autour de ces deux thèses. L'une sur la distribution de ressources minimales, et si on interprète correctement le premier principe, l'idée qu'on peut limiter en effet l'idée de la croissance maximale des revenus, peut-être pour d'autres raisons que ce que tu donnes, mais enfin on peut quand même limiter effectivement la croissance des revenus les plus importants. Alors évidemment, dans la mention de ces deux thèses que tu fais, bon, tu ne leur donnes pas de justification, tu les livres un peu brut de décoffrage, donc la question est la suivante, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait s'inscrire, mais je n'ai pas l'impression, dans une théorie de la justice de type Rawlsien, bon, j'ai l'impression plutôt que c'est négatif, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ce serait le type de justification qu'on pourrait donner finalement pour ces deux thèses, indépendamment de ce cadre auquel tu ne te réfères pas, finalement, en refusant de... Enfin, ça, c'est ma première question, donc question de fondement, de légitimation des deux. Alors, question plus générale maintenant, si on regarde du côté du totalitarisme parcellitariste tel que tu le définis, tu as notamment des caractéristiques d'ailleurs assez frappantes, assez saisissantes pour le coup. Est-ce que l'idée générale finalement qui serait, ou l'hypothèse générale qui traverse, qui est un peu la structure portante finalement de la thèse, à savoir une sorte de perspective d'atomisation généralisée qui touche à la fois la question du marché, qui touche à la fois la notion de la privatisation, qui touche à la fois la notion de la critique du commun et du collectif, donc qui est une hypothèse lourde sur l'idée de d'atomisation sociale. Est-ce que c'est une hypothèse qui provient d'une interprétation des discours, je veux dire des discours au sens où on prendrait par exemple le discours économique contemporain, la microéconomie standard et la théorie du choix rationnel par exemple, qui apparaissent comme des éléments d'individualisation très grande, où les individus sont censés dans tous les domaines sociaux, celui de la famille, celui de l'éducation, celui du travail, etc., de maximiser au fond leur utilité singulière. Et donc, est-ce que c'est une interprétation qui se fait à partir du discours, ou est-ce que c'est aussi une interprétation qui se fait à partir des pratiques ? Alors, si c'est une interprétation qui se fait aussi à partir des pratiques, est-ce que l'une des questions qu'on pourrait pas poser, au fond, c'est un peu la question des contre-tendances ? La question des contre-tendances serait la suivante, au fond. On pourrait concéder en effet assez clairement, et là je te donnerai tout à fait raison, l'idée qu'il y a en effet des tendances lourdes qui vont vers l'individualisation, vers les pratiques d'individualisation, et tout est mis en œuvre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des cursus d'enseignement, etc., pour favoriser évidemment cette individualisation, pour vanter les mérites évidemment de cette individualisation extrême, des pratiques, des parcours, des choix, des préférences, de tout ce qu'on voudra. Mais est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas des contre-tendances assez lourdes qui font qu'on assiste aussi à des recréations permanentes finalement de regroupements communautaires, on assiste à un discours très massif aujourd'hui sur l'identité collective, qui serait comme une sorte de réaction précisément à l'idée de ce modèle de grande société à espace totalement indifférencié, à logique strictement individuelle, à choix concurrentiel généraux, et donc une espèce de réaction qui prendrait diverses formes, des réactions très dures, c'est-à-dire une espèce de communautarisme religieux très violent qui réagirait contre cette hypothèse de la lessive intégrale du social par le grand marché, jusqu'à des formes beaucoup plus souples qui seraient au fond des formes d'associations ou des formes de réinvestissement politique à partir d'associations qui seraient justement des formes de réaction fondées sur des éléments de solidarité, sur les éléments de conflictualité, etc., et qui s'opposeraient justement à cette parcellité. Donc, comment est-ce qu'on pense par cette arène ? Est-ce que c'est une interprétation à partir du discours, et donc c'est le discours qui est prédominant, et donc là c'est discours contre discours, ou est-ce que c'est aussi des pratiques, mais que faire des contre-tendances dans ce cas ? Bon, voilà un peu mes deux questions. Non, merci pour les deux questions, ça permet d'essayer d'avancer. Pardon. Sur le premier point, la question des fondements théoriques, est-ce qu'il pourrait être Rawlsien ? Moi, j'ai pas une grande passion pour Rawls, tu le sais. Oui, je pose la question. Oui, je sais bien, c'est pour ça que je pose la question. Dans mon souvenir, Rawls ne légitime pas du tout un revenu minimum. Il s'oppose à ce qu'il appelle les surfeurs de Malibu, ceux qui profiteraient justement du travail des autres pour ne rien foutre et recevoir un revenu gratuitement, non, il y a une justification du revenu minimum. Quand même, chez Rawls, parce que moi j'ai vu... Très minimum, mais... J'ai vu des critiques par Rawls du revenu minimum. Enfin bon, ça c'est le point d'érudition sur lequel t'en sais 10 fois plus que moi. Et sur le... Mais... Comment dire ? Alors, quelle serait la justification philosophique, en quelque sorte, hein, de cette idée-là ? Je ne suis pas sûr qu'il faille donner une justification philosophique, en tout cas en termes de théorie de la justice. Plus je vais, plus je suis méfiant vis-à-vis de toutes les théories de la justice qui me semblent avoir presque nécessairement, congénitalement, un soubassement utilitariste. Puisqu'au bout du compte, toute théorie de la justice est une théorie de la redistribution, de la bonne distribution des ressources. Donc il y a une dimension comptabilité, hein, presque structurelle dans les théories utilitaristes, dans les théories de la justice. Et je suis plus attaché, mais je m'aperçois que ça commence à gagner dans différents milieux, à l'idée qui avait été présentée par Avishai Margalit d'une société décente. Cette idée qu'on pourrait avoir une société juste qui ne soit pas décente, qui ne serait pas décente parce qu'elle humilierait les bénéficiaires de l'aide, par exemple. Elle humilierait un certain nombre de la société. Donc ma question, c'est plutôt, qu'est-ce que c'est qu'une société qui n'humilie pas ses membres? Alors, est-ce que cette question-là, une fois que Margalit, il y a trois pages intéressantes, après, il n'y a quasiment rien hein, sur l'argumentation. Mais je trouve que l'idée est bonne. Et alors après, ça renvoie évidemment à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une société décente, une société bonne. Moi, j'aurais tendance à le chercher dans l'espace ouvert par Mauss et d'autres, éventuellement, et dans la direction de l'idée qu'est qu'une société bonne, c'est une société dans laquelle les sujets humains peuvent au maximum entrer dans le cycle du donner, recevoir, rendre, y compris de la création. Enfin, mais il me semble que ce type d'argumentaire est différent d'un argumentaire en termes de théorie de la justice. On pourrait aussi, bien sûr, parler en termes de reconnaissance, une société dans laquelle les sujets puissent être reconnus, mais reconnus pour quelque chose, et notamment pour leur capacité à entrer dans le cycle du don. Bon, voilà à peu près l'espace très général dans lequel j'aimerais m'orienter. Alors après, la question que tu poses, c'est celle de savoir si la thèse est fondée sur une analyse des discours ou des pratiques. Et deuxième question, qui n'est pas nécessairement directement liée, celle des contre-tendances possibles. Sur la première, est-ce que c'est les discours ou les pratiques? Je veux dire, j'en sais trop rien. Alors, par exemple, quand on remplit ce qu'on est en train de faire, tous les bordereaux qui indiquent la production de chacun des membres du Sofiapol, est-ce que c'est un discours ou une pratique? Il me semble qu'on est à l'intersection des deux, mais qu'en tout cas, ce qu'on voit se répandre, et d'ailleurs c'est un sixième point dont je voulais parler, dont je n'ai pas parlé, sur les prolongements justement du parcellitarisme par rapport au totalitarisme d'hier. Ce qu'on voit triompher sous l'égide du néo-management, du new public management, sous l'égide de la LOLF, la loi d'organisation du droit de finance, de la RGPP, ce qu'on voit vraiment triompher, là encore, c'est une logique hyper utilitariste. Quand je dis hyper-utilitarisme, c'est au-delà de l'utilitarisme classique. Parce que dans l'utilitarisme classique, on pensait la question de l'articulation des moyens et des fins. Il y avait des objectifs d'un côté, des moyens qu'on essayait d'évaluer de l'autre. Là, on n'est même plus là-dedans. C'est une espèce de logique d'évaluation quantitative permanente qui était elle-même sa propre justification. Alors ça pose, c'est un point dont je n'ai pas parlé, la question des fondements utilitaristes des régimes totalitaires d'hier. Et il me semble qu'une des caractéristiques des régimes totalitaires, c'est qu'ils étaient à la fois hyper-utilitaristes et hyper-anti-utilitaristes. Hyper-utilitaristes parce qu'ils prétendaient construire les sociétés les plus rationnelles possibles, les plus efficaces possibles, les plus productives possibles. Hyper-anti-utilitaristes parce qu'ils faisaient appel à une dimension passionnelle au-delà de tous les intérêts individuels. Dans le cadre de la modernité, je pense qu'on assiste à une généralisation d'une norme utilitariste généralisé sous l'égide du triomphe de la quantité absolue. On est dans une quantophrénie absolue, qui est une espèce de point d'aboutissement paroxystique de la logique utilitariste, et qui concerne aussi bien les pratiques que les discours, il me semble. Mais après, il faudrait détailler, je vais réfléchir à ta question, c'est ma réponse spontanée. Alors, reste la question, et là je te remercie de l'avoir posée, reste la question des contre-tendances. Et donc du statut exact de mon hypothèse. J'aurais dû dire plus précisément, je ne pense pas que nos sociétés aient intégralement basculé dans un régime parcellitaire. Il subsiste des formes de rhétorique démocratique, de pratique démocratique, d'investissement démocratique, des souvenirs d'un ordre démocratique. Bon, tout ça, c'est encore vivace. Dans quelle proportion ou dans quel pays, j'ai envie de travailler là-dessus, je ne sais pas trop. Quelque chose qui me gêne dans mon hypothèse, qui serait peut-être la principale critique que je m'adresserais à moi-même, c'est que je me demande dans quelle mesure je ne généralise pas trop le cas de la France. Le cas de la France qui est probablement la société en passe de devenir la plus parcellitaire de tout l'espace occidental. On le voit par exemple dans le régime disciplinaire à l'université. Qui n'est pas aussi clivé partout. On le voit dans le cadre de la RGPP, qui est mise en forme en France sous une forme proprement délirante, qui n'est pas aussi paroxystique ailleurs, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Première question. Et puis, par ailleurs, quel peut être le statut des contre-tendances? Alors, Il y a des contre-tendances, c'est évident. Il y a les contre-tendances qui viennent de ce qui survit d'un habitus démocratique classique. Même à droite, on voit bien certaines réactions, par exemple, de l'électorat de Sarkozy. L'électorat catholique se rebiffe contre tout un ensemble de choses, contre les réflexes traditionnels. Et puis, par ailleurs, il y a ce qui se cherche dans le cadre de la nouvelle société monde, dans le cadre de la grande société, ce qui se cherche et qui reste, ça serait mon hypothèse moussienne, qui reste inspiré par une certaine logique éternelle de l'esprit du don. Et donc, oui, il y a des contre-tendances, il y a des choses qui se cherchent. La question, c'est de savoir si elles seront suffisamment puissantes pour faire émerger une nouvelle culture démocratique conviviale à l'échelle mondiale, ou pas. Et si cette hypothèse du parcellitarisme me paraît intéressante, c'est parce qu'elle permet de cerner un ennemi qui n'est pas l'ennemi habituel de la gauche. Alors, je vais être plus concret, finalement. Après tout, dans un discours de gauche classique, l'ennemi, c'est le capitalisme, point final. Bon. Si c'était ça, ça serait relativement simple. Je pense que l'ennemi, c'est beaucoup plus face visible, le néo-management, la gestion généralisée par les chiffres, qui supprime toute dimension de gratuité et de décence dans l'espace social. Or, l'imposition de cette nouvelle norme de gestion, alors on pourrait parler de gouvernementalité si on veut faire du Foucault, l'imposition de cette nouvelle norme de gestion, elle est très largement plus le fait de la gauche que de la droite encore. La LOLF ou la RGPP ont été votées à l'unanimité du Parlement à l'initiative de la gauche. Et je vois dans tout le secteur, parce que je fréquente un petit peu tout le secteur de l'économie sociale, des mutuelles, des associations, etc., ils sont en train, eux aussi, de céder radicalement à la cantophrénie, c'est-à-dire à la recherche fantasmatique de leur utilité sociale fantasmatique, en bâtissant de gigantesques indicateurs dans tous les coins, etc. Et ça me paraît aller de pair avec cette forme parcellitaire, et ça me paraît un ennemi à certains égards plus dangereux, parce qu'invisible, peu visible, que le capitalisme financier, qui est monstrueusement puissant, mais qu'on repère. Voilà. De réponse. D'autres questions? Tu parles de la France, mais oui. C'est l'Europe. Est-ce que tu ne décris pas la crise consécutive au processus d'unification européenne sur les États-nations démocratiques? Oui, très largement. Oui, parce qu'une des grandes manifestations du parcellitarisme, c'est la parcellisation de l'Europe, c'est évident. Et l'absence de démocratie. Qui nous condamne à l'impuissance politique généralisée. Désormais, c'est une évidence absolue. Il n'y a plus de sujet politique, donc il ne peut plus y avoir de débat politique, puisqu'il n'y a plus aucune instance légitime de décision politique. Et du coup, là-dessus, ça fait une espèce de trou noir du politique dans lequel s'abîment absolument toutes les énergies, et toutes les contre-tendances possibles imaginables, puisqu'il n'y a plus d'interlocuteur. Il n'y a plus de pouvoir à prendre, il est devenu invisible sous forme de cette gouvernementalité européenne impalpable et insituable. Tout à fait. Question que je vais essayer de bien formuler. Mais je crois que vous avez raison qu'en effet, la France est le pays le plus parcellisé. En tant qu'étranger, c'est l'impression que j'ai. Et peut-être parce que c'est ici que l'individualisme est effectivement né, maintenant. Mais c'est juste en fait une question sur le concept du bouc-émissaire que vous avez mentionné. C'est dans le marxisme et maintenant dans la gauche aujourd'hui et dans tout ça qu'on dit, effectivement, est-ce qu'on ne risque pas de faire un bouc émissaire du capitalisme, de la démocratie, de n'importe quoi? Et ce faisant, on va vers la création d'une nouvelle société, mais qui commence quand même avec une division. Encore une fois, ça commence avec une vision qui n'est peut-être pas naturelle et qu'en fait, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est à peu près la dialectique du capitalisme, le fait que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement, donc on sait bien comment que ça s'est arrivé, mais que quand même on le diabolise. C'est la gauche, je ne veux pas dire que c'est vu directement, mais c'est ça qu'on fait, on diabolise le capitalisme, et on en crée une bouc émissaire. Et on commence encore une fois avec une division. Est-ce que vous voyez des problèmes? Est-ce que vous avez d'autres propositions? Vous ne le voyez pas comme ça? D'autres propositions que quoi? Que diaboliser le capitalisme, c'est ça? Que c'est ça qu'on fait quand on arrive à un ennemi imaginaire. Ce n'est pas imaginaire, c'est vraiment réel. Oui. Mais il ne se voit pas comme un ennemi. C'est-à-dire que la droite, le capitalisme, ne voit pas la gauche comme un ennemi. Il continue, il fait ce qu'il veut faire et il continue. C'est-à-dire que la gauche ne pose vraiment pas une menace réelle au capitalisme. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Je veux revenir sur l'idée de bouc émissaire, parce que c'est une idée qui m'a traversé l'esprit hier en réfléchissant à cette communication. Une idée un peu paradoxale de ce qu'on pourrait appeler un bouc émissaire positif. Dans les théories habituelles, notamment girardiennes du bouc émissaire, il y a l'idée que le conflit social se résout en désignant une victime arbitraire, chargée de tous les maux, et que l'on va mettre à mort. Or, il y a une opération symétrique. Il me semble que justement la croissance économique, c'est l'opération symétrique. C'est l'équivalent du bouc émissaire, mais en positif. C'est-à-dire qu'on le charge de tous les bienfaits. Donc ce n'est pas le bouc émissaire classique, mais c'est quand même un exutoire utile du conflit social. Voilà. Donc ma question, c'était qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus ce bouc émissaire positif? Voilà. Mais après, vous aviez une autre question sur la diabolisation du capitalisme, mais je n'ai pas bien compris la question. C'est que la gauche dit que tous les maux dans la société actuelle, oui, oui, c'est à cause du capitalisme. Et donc, voilà, oui, on dit on va changer, on va se débarrasser du capitalisme, et voilà, plus de maux. Oui, mais je crois avoir essayé de répondre un petit peu à cette question-là, enfin, dans différentes interventions, justement en disant que le problème premier n'est pas le capitalisme en tant que tel. D'abord, ce n'est pas le capitalisme en tant que tel, c'est plutôt l'hypercapitalisme, finance spéculative, ça c'est une première réponse. Mais plus généralement, c'est plutôt, je pense, un problème proprement... Alors, je vais essayer de détailler un petit peu. Un problème proprement sociologico-politique. Et là, il faudrait revenir sur la théorie, notamment arendtienne, des origines du totalitarisme. Pourquoi est-ce que l'Allemagne bascule dans le totalitarisme? Réponse de Arendt, c'est en raison de la destruction de la société de classe traditionnelle qui aboutit à la production de sujets humains qui ne savent plus comment se penser symboliquement. Ils n'ont plus de place dans l'ordre classique traditionnel des classes sociales. Ils ne savent plus comment assurer leur identité. Problème de reconnaissance, on pourrait relire tout Arendt en termes de questions de reconnaissance. Du coup, ces sujets humains qui ne peuvent pas être reconnus dans le cadre des repères symboliques hérités vont chercher un autre cadre de reconnaissance, et notamment ils vont chercher à fabriquer des sous-hommes. Ils pourront se présenter comme des hommes à part entière parce qu'ils auront trouvé des sous-hommes. Et là, il y a deux solutions, explique Arendt. Soit on va chercher les sous-hommes à l'étranger, à l'extérieur, ça c'est le cas des puissances coloniales France-Angleterre. On fabrique des sous-hommes en Afrique ou ailleurs, ou en Inde. On a ces sous-hommes sous la main. Quand on n'a pas la possibilité d'aller chercher à l'extérieur, il faut les trouver à l'intérieur. Et là, on va les trouver sous la forme des Juifs ou des Koulaks, etc. Alors, si on suivait ce type de raisonnement, la question qu'il faudrait poser, c'est celle que je voudrais me poser, j'aimerais bien avancer dans cette direction-là, c'est... qu'est-ce qui a pu se passer dans les démocraties occidentales à partir des années 70, à partir des années 80? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine insuffisance des cadres symboliques de la société, des cadres symboliques qui distribuaient de la reconnaissance aux membres de la société? Et si ces cadres symboliques commencent à dysfonctionner, c'est-à-dire ne permettent plus aux uns et aux autres d'obtenir suffisamment de reconnaissance, à ce moment-là, il faut changer de régime socio-symbolique. Et je pense, mais là, ça reste des hypothèses et des intuitions, je pense que quelque chose de cet ordre-là s'est joué, de la même manière que, dans le cas des totalitarismes d'hier, on a inventé d'autres cadres symboliques pour produire d'autres logiques de reconnaissance, soit la reconnaissance des vrais communistes, des membres du parti, ou des vrais ariens, etc., etc. De même, face à une certaine insuffisance des cadres symboliques de la reconnaissance des démocraties occidentales jusque dans les années 80, 90, il faut inventer autre chose. Voilà. D'autres modalités de la reconnaissance. Mais là, je manque des médiations, je ne vois pas clair. Non, depuis tout à l'heure, j'étais en train de penser à cette idée de reconnaissance. Est-ce que la partialisation, ce ne serait pas un peu comme un instinct de survie des individus pour justement avoir... Parce qu'en fait, il y a deux idées assez antagoniques dans la partialisation. C'est à la fois cette hyper-individualité, ce désagrément du global. Mmh. Mais en même temps, c'est un désir de survie où la partialisation offrerait cette nécessité de reconnaissance, ou en tout cas ce désir de reconnaissance, parce qu'en fait, il y aurait une perte de croyance dans le global, le collectif, qui perdrait cette idée que plus personne pourrait croire que le global offre nécessairement, enfin, la reconnaissance nécessaire à désirer pour le lien social, enfin, pour les individus. Mmh. En même temps, enfin, moi, j'avais pensé à cette idée avant, mais quand vous avez vu, vous m'avez parlé de... Vous avez passé un oral avec des chercheurs du CNRS, en fait, sur ce désir de cette sorte de mémoire, en tout cas. J'ai passé un oral avec des chercheurs. Enfin, non, vous étiez jury. Et j'ai pensé à cette idée que toutes ces associations avec ce devoir de mémoire, en tout cas en permanence, c'est aussi une manière de se recréer cette reconnaissance que le global, en tout cas que le national, ou même les institutions ne peuvent plus offrir. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a aussi une part du volume, en fait, pour vulgariser, je dirais qu'on est trop, en fait. Le trop fait qu'on se confond, et en fait, on n'existe plus. Enfin, l'individu se confond dans le collectif. Et cette partialisation, ce serait la réunion de ces deux idées totalement antagoniques, quoi, c'est-à-dire l'individualisation et connaissance collective. Oui. Oui. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est clair, j'aurais dû... Je vous remercie d'avoir pris la formulation, parce que je crois qu'elle est... Là encore, elle renvoie à Anna Arendt, à Rosa Luxembourg, à Lefort. C'est une explicitation de ce que je disais tout à l'heure sur l'insuffisance des cadres symboliques. Il vient un moment où il y a des hommes et des femmes en trou, par rapport aux cadres symboliques disponibles. Une espèce, un taux de profit, de reconnaissance, qui diminue en quelque sorte. On reçoit de moins en moins de reconnaissance. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Probablement, la partialisation est une manière de résoudre le problème. Et alors, est-ce que c'est lié ? Mais là, vraiment, j'avance à découvert, en quelque sorte. Je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait des êtres humains en trop, déjà dans les démocraties occidentales à l'échelle mondiale, est une idée qui va s'imposer de façon colossale. Colossale par rapport au marché de l'emploi, tout simplement. Lorsque, à partir du moment où il n'y a plus d'emploi à plein temps pour tout le monde toute la vie, donc où le salarié institutionnel ne peut plus fonctionner, comment est-ce qu'on distribue de la reconnaissance ? Le principal pourvoyeur de reconnaissance était ce salarié institutionnel. Bon. Lorsqu'il y a 10% de chômeurs, un taux de chômage de 10% chronique qui concerne en fait presque maintenant la moitié de la population, directement ou indirectement, c'est évident que les modalités de la reconnaissance ne peuvent plus être que des modalités de la reconnaissance précaires, fugaces, incertaines, et donc tout ça va de pair. Et alors après, je crois que c'est ce que vous disiez, à partir du moment où ce régime se met en place, il est auto-entretenu. Puisque plus la reconnaissance stable fait défaut, plus il faut se lancer dans la course en avant dans des reconnaissances éphémères et partielles. D'autres questions ? Est-ce que justement les associations ne formeraient pas ce cadre de reconnaissance symbolique ? Il y a de plus en plus d'associations pour divers secteurs. Le fait de s'impliquer dans un groupe, ça rentre un peu dans une partialitarisme. Est-ce que justement ça ne pourrait pas être le renouveau d'une forme démocratique à travers la constitution d'un groupe dans une association ? Oui, ben c'est l'espoir. C'est le seul espoir d'une certaine façon. Hein. D'ailleurs, tout le travail qu'on fait au MOS va dans cette direction-là. Il consiste à essayer de faire revivre un idéal socialiste associationniste français du 19e siècle, et de voir dans quelle mesure on peut l'actualiser politiquement aujourd'hui. mais c'est une des motivations à ce que je raconte sur le parcellitarisme. Ce que l'on voit bien, c'est que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, parce qu'il y a d'un côté de plus en plus d'associations déclarées, qu'il y a une efflorescence associative, mais je le disais tout à l'heure rapidement, ce sont des associations, les nouvelles associations sont très largement des associations ponctuelles sur des objets très particuliers. Ce n'est pas des associations générales et pérennes. On se mobilise 2 mois, 3 mois, 6 mois sur un objet particulier, puis on va voir ailleurs. Donc il y a en quelque sorte une parcellisation de l'engagement associatif lui-même. Ça ne s'intègre pas dans une redéfinition justement de l'espace et du temps, en fait, entre la temporalité de plus en plus courte, en tout cas de plus en plus présentiste. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Et on voit bien la grande difficulté du monde associatif et du monde mutualiste. Moi, je suis en contact avec des amis qui sont très militants dans cette affaire-là. On a de plus en plus de mal à faire émerger un discours associatif ou mutualiste audible, qui ne soit pas totalement parasité, phagocyté par soit les normes financières dans le cas des mutuelles, c'est la logique financière. Il y a encore une petite rhétorique mutualiste, coopérative, etc. Mais ce qui s'impose massivement, c'est la logique financière. Et on voit dans chaque organisme comment ce sont les financiers qui l'emportent sur les autres, sur les résidus d'idéologues. Et comment dans le monde associatif, ce monde-là est de plus en plus subordonné aux subventions publiques qui passent par l'imposition de normes d'évaluation quantitative de l'utilité sociale, avec là encore des questionnaires vertigineux. Moi, je tombe là-dessus, c'est des trucs, des 400, 600 cases à remplir pour justifier de l'octroi de la subvention, avec la construction d'indicateurs fantasmatiques d'utilité sociale qui vont précisément contre la logique même des associations. Et donc tout l'enjeu, c'est déjà de prendre conscience, si vous voulez, c'est pour ça que je raconte ce que je raconte. L'enjeu, c'est de prendre conscience de cette mainmise des critères, soit financiers d'une part, soit néo-managériaux d'autre part, dans cette forme générale de parcellitarisme, si on veut essayer de rassembler des prises de conscience un petit peu efficaces de ce qu'il y a à préserver. Ce qui a préservé, qui peut être une logique autonome du rapport au savoir, à la pensée, à la réflexivité, qui peut être une logique autonome du monde associatif, etc. Ouais, je laisserai encore une question aussi, si possible. Au fond, tu peux, c'est toi le chef. Je peux. Non, mais le temps passe aussi. Au fond, si on regarde ton hypothèse lourde du totalitarisme parcellitariste et ton refus, finalement, dans certains sens, de dire, au fond, ne prenons pas le capitalisme contemporain comme bouc émissaire, puisque le mal, si on peut dire, est bien plus profond, au fond, oui. C'est ça que ça veut dire. Et donc, il y a derrière une sorte d'hypothèse anthropologique, finalement, sur une manière de redéfinir le lien social, ou une manière de dire qu'il y a quelque chose qui s'est transformé dans le lien social, dont probablement, d'ailleurs, le capitalisme n'est lui-même qu'une sorte d'expression possible, une variante ou un versant possible, mais dont il n'est pas le créateur. Alors, est-ce que cette hypothèse-là ne mériterait pas justement de pouvoir être explicitée, mais de pouvoir être formalisée dans son explicitation ? Parce qu'au fond, si on essaie de voir ce qui s'est transformé dans le rapport social, sous quelle forme est-ce qu'il faut le penser ? Est-ce que c'est la forme classique tocquevillienne, par exemple, de la division de l'individualisme chez Tocqueville ou chez Constant ? Est-ce que c'est au contraire l'idée que la généralisation du discours économique ou du discours microéconomique diffusé partout a fini par créer ce genre de comportement par effet de retour sur le lien social, comme une espèce d'effet prophétique possible? Est-ce que ce sont des pratiques institutionnelles et des pratiques de gouvernance économique qui, à force d'individualiser les sujets, ont produit ce genre de choses? Donc, comment tu préciserais le noyau de cette hypothèse, au fond, de base, finalement, qui soutient le fait d'identifier dans le lien social lui-même, dans le rapport social lui-même, finalement, ce qui s'est transformé? Comment on pourrait dire ça? Parce que, finalement, de la précision du diagnostic dépend aussi en partie le fait d'identifier les contre-tendances possibles. Oui, ben, je crois avoir donné quelques éléments de réponse à la question que tu poses, mais on peut essayer de la systématiser de manière un petit peu différente. Si on essaie de généraliser l'hypothèse anthropologique, je crois qu'on se rejoindrait assez largement là-dessus, enfin, en tout cas c'est une des hypothèses de travail du Sophia Paul. L'hypothèse anthropologique fondamentale, elle est que ce qui importe au premier chef au sujet humain, ce n'est pas d'abord d'accumuler des biens, des richesses matérielles, c'est d'être reconnus comme des sujets humains ou sociaux à part entière. C'est peut-être du primat de la reconnaissance sur la redistribution, de certaine façon. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que les biens matériels ne sont pas importants, mais qui sont importants, bon, d'abord pour des raisons matérielles, mais aussi comme instrument de la reconnaissance. Alors, on peut ajouter, ça c'est le versant maussien des théories de la reconnaissance, que la reconnaissance s'opère par des dons, par des symboles de dons, et que en même temps, elle est la reconnaissance du fait que les sujets humains donnent quelque chose. Donc le don est complémentaire de la reconnaissance et du symbole. Voilà. Donc ça donne une description de l'espace social en termes de comme structuré par les symboles, par le sens et par le don, avec l'interdépendance de ces dimensions-là. Alors après, une fois qu'on a dit ça, la question c'est celle de savoir pour chaque type de société, selon l'échelle de chaque type de société, quels sont les types de reconnaissance qui sont donnés. Être reconnu en tant que guerrier, en tant que maire, en tant que... Donc il y a tout un ensemble de rôles de donateur de vie ou de mort, hein, qui sont définis, institués par les différents types de sociétés. De quoi est-ce qu'on tire sa fierté? De quoi est-ce qu'on est reconnu? Est-ce qu'on est reconnu comme travailleur? Est-ce qu'on est reconnu comme savant, comme technocrate, etc., etc. Bien. Et c'est là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est en quelque sorte la quantité et la quantité de reconnaissance que chaque type de société peut distribuer à ses membres à travers ses symbolismes dominants. Donc le noyau de mon hypothèse, c'est que si le néolibéralisme triomphe, ce n'est pas seulement en raison de sa puissance propre, hein, c'est aussi en raison de la faiblesse du symbolisme de la gauche social-démocrate, fondamentalement, qui dominait en Europe jusque dans les années 80, à peu près. Et cette faiblesse du symbolisme social-démocrate, ce n'est pas seulement une faiblesse économique, c'est une faiblesse dans la distribution des modalités de la reconnaissance de soi et de la distribution des rôles de donateurs et de récepteurs potentiels des différents membres de la société. Voilà. Et donc, là, si je retraduis dans le sens de ta question, qui est bien sûr la bonne question, la question des contre-tendances, des alternatives possibles, c'est celle de savoir... Quel nouveau rôle de donateur, en quelque sorte, on peut proposer dans une société qui ne serait plus fondée sur une croissance permanente, et donc uniquement sur le salariat, mais sur d'autres rôles sociaux possibles. D'autres questions ? J'ai beaucoup relu vos inversions radicales et vos continuités, parce que j'avais fait aussi une croix avec vous l'année dernière. Et j'aimerais savoir, par rapport à une lecture personnelle, en quoi la société parcellaire, est-ce qu'elle se confronte à la société du spectacle ? Est-ce que c'est une continuité un petit peu ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de traits en commun avec ce que dit Debord. Oui, je ne sais pas, mais vous avez raison, c'est ça. Bien sûr, ça fait partie de ma culture de base, de ma génération. Si ce n'est que je trouvais quand même le bouquin assez décevant, en fait. Hein. À part l'hypothèse générale, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, hein, sur le... Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez raison, ça serait retravaillé, notamment par rapport à l'hypothèse du monde fictif, la création d'un monde fictif. Hein, ça, c'est clair. Bien, écoutez, si on... Effectivement, ça rejoint la question de Christian Lazzeri et la question du symbolisme, au fond. Et là, c'est vrai, c'est un vrai chantier. Pourquoi est-ce que la société du spectacle, au sens de Debord, triomphe, sinon parce qu'elle produit des récits imaginaires possibles, hein, qui permettent à chacun de retrouver des parcelles d'identification, de symbolisation, de reconnaissance. Bien, écoutez, ben notre cycle s'achève, notre cycle de temps imparti s'achève. Donc la prochaine séance du séminaire aura lieu en janvier, mi-janvier, et ce sera Bruno Tinel qui sera notre invité, là aussi sur les questions du capitalisme contemporain. Donc rendez-vous au mois de janvier, et merci à Alain pour sa conférence. Merci.